சாமிக்கு பண்ணுவோம். இது எப்படி कृष्ण जयंती जयंती कृष्ण जयंती कृष्ण भगवान गॉड कृष्णा गुड कृष्णा गॉड ओके ना थैंक यू ओके थैंक यू बाय बाय बाय Le Dio Krishna, Sajula, il est créé. Sajula. Donc, tous les personnes sont mises beaucoup. Et après, tous les personnes pensent qu'aujourd'hui, la Krishna est créé. So, il est dans la mer. La Murti Saudi, je ne sais pas, c'est la statue. Statue dans la mer. Dio Krishna. On a jeté dans la mer, c'est comme la culture. C'est comme la culture et on va manger ensemble. Et après, on va partir à Boston et on va manger ensemble. Et on fête et danser. On a la fête de danser et déjeuner. Chanson aussi avec. C'est la culture de l'Inde. Toutes les personnes savent beaucoup.